Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast, sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Alors nous arrivons à la fin de l'ère mérovingienne. C'est une fin qui s'est imposée d'elle-même et qui a dépassé les acteurs. Si elle était désirée par les Pépinides, elle ne l'était pas par ceux, nombreux, qui étaient attachés à la légitimité dynastique. Revenons à Clotaire III, premier fils de Clovis II et de Berthilde. Il n'est pas encore considéré par les chroniqueurs comme un roi fainéant. Il arrive au pouvoir en 657 à la mort de son père. Il a 5 ans. Sa mère lui donne, comme parrain, rien moins que l'évêque de Noyon, Éloi. Elle assure la régence jusqu'en 664, avant de se retirer à Chelles, où elle priera avec angoisse pour le royaume et ses fils. En 664, Clotaire a 12 ans. Il est officiellement apte à régner, mais il a en face de lui le maire du palais, Ébroin. Les grands du royaume de Neustrie ont en effet écarté Landésius, le fils d'Archambault, mort en 658, pour mettre ce noble neustrien qu'ils jugent plus apte à défendre leurs intérêts face à une Austrasie puissante et au clan Pépinide menaçant pour le pouvoir mérovingien. Clotaire III meurt en 673. La tentative d'Ébroin de mettre sur le trône de Neustrie et de Bourgogne Thierry III, sans accorder ce privilège à son frère aîné Childéric II, déjà roi d'Austrasie, provoque une guerre remportée assez rapidement par Childéric II, son maire du palais Wulfoald, et les grands d'Austrasie. Thierry III est tonsuré et envoyé dans la basilique Saint-Denis, et Ébroin subit le même sort, mais est envoyé à Luxeuil, en Bourgogne. Ainsi séparés, ils sont moins dangereux. Childéric II, que tous les chroniqueurs décrivent comme un débauché, meurt assassiné par un noble bourguignon qu'il avait humilié en 675. Suite à cette catastrophe pour les intérêts austrasiens, Wulfoald, qui s'est réfugié à Metz avec une partie de la cour de Childéric, fait revenir d'Irlande Dagobert II, fils de Sigebert III d'Austrasie et de la reine Chimnéchild. Ébroin profite du chaos pour sortir de son abbaye de Luxeuil avec une forte armée et un prétendant au trône d'Austrasie, Clovis III, qu'il fait passer pour le fils de Clotaire III. Ayant rejoint les troupes de Thierry III au bord de l'Oise et de son maire du palais Landésius, qui s'enfuyait de Paris, il se réconcilie avec Thierry, qui le pardonne, tout en faisant assassiner Landésius. Ébroin se contente alors du siège de maire du palais de Neustrie et de Bourgogne et laisse à Wulfoald la mairie du palais d'Austrasie, dont le roi reste Dagobert II. Ébroin en profite, pendant cette période d'accalmie, pour punir les ennemis de sa cause, comme l'évêque d'Autun, Léger, qu'il fait torturer, tuer et condamner par un synode d'évêques. Thierry III, pourtant pieux, se voit contraint de signer tous les actes qu'il lui demande. En 679, Dagobert II meurt assassiné sur les bords de la Meuse. Ébroin impose Thierry III comme roi d'Austrasie en plus de la Neustrie et de la Bourgogne, réunifiant le royaume franc sous une seule couronne. Mais Pépin de Hersalt, qui occupe la mairie du palais d'Austrasie depuis la mort de Wulfoald en 676, refuse de lui céder la place et il lui déclare la guerre. Ébroin le bat en 680 à Lecofaco, près de Laon. C'est la victoire pour les Neustriens et les Bourguignons contre l'Austrasie humiliée. Peu de temps après, Ébroin est assassiné par un agent du fisc qui se réfugie en Austrasie avec une part non négligeable du trésor. Pépin de Hersalt nomme alors, comme maire du palais, Varaton, après lui avoir demandé d'envoyer des otages à la cour d'Austrasie. On sait que Varaton est un parent d'Ébroin. Mais Varaton est renversé par son fils Gislamer, soutenu par des insurgés neustriens qui ne supportent pas cette humiliation. Après quelques années comme maire du palais, Gislamer est assassiné et Varaton rétabli dans ses fonctions de maire du palais en 684. Il dirige d'ailleurs la Neustrie et la Bourgogne en faisant profil bas jusqu'à sa mort en 686. À cette date, son gendre Berchère prend la succession, mais très vite se révolte contre la tutelle de fait de Pépin de Hersalt. La guerre reprend, mais Berchère est battu par Pépin de Hersalt en 687 à la bataille de Tertry. À cette date, le Pépinide prend le titre de duc des Francs, un titre qu'il a inventé pour l'occasion, et ce nom, malheureusement, de duc des Francs résonne avec le recul comme le glas de la dynastie mérovingienne. Berchère est assassiné par sa belle-mère. Sa fille est mariée à Drogon, duc de Champagne, et fils de Pépin de Hersalt. Thierry III est capturé et enfermé dans le palais de Metz, où il est employé à signer les actes que ses ministres lui soumettent. Thierry III meurt en 691 et est enterré dans l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, qu'il a comblé de faveurs. Il a 34 ans. Saint-Vaast est l'évêque qui aurait tenu la couronne de Clovis au moment de son baptême. Dans une certaine mesure, si Thierry III n'a pas régné de son vivant, le lieu de sa mort rappelle à qui veut l'entendre qu'il est bien le descendant des rois légitimes et qu'il compte le rester. Mais Thierry III laisse derrière lui deux fils, Clovis IV, ou trois si on compte les faux mérovingiens ou pas, qui règne à partir de sa résidence royale de Choisy-en-Bac, sur les bords de l'Oise, et qui meurt à 17 ans, et se fait enterrer d'ailleurs dans la ville de Choisy-en-Bac, dans l'église Saint-Étienne. À se demander d'ailleurs si Clovis IV n'était pas assigné à résidence, ou en résidence surveillée. Peu de temps après lui, d'ailleurs, meurt son maire du palais, Nordebert, qui est un maire du palais qui a été nommé directement par Pépin de Hersalt, et qui est un ami de Pépin de Hersalt. Maire du palais de Neustrie de Bourgogne. Nordebert est remplacé par Grimoald, le fils de Pépin de Hersalt. Après Clovis IV, règne Childebert IV, décrit unanimement comme noble et droit. Son surnom, le Juste. Bien que toujours en résidence surveillée à Choisy-au-Bac, Childebert IV montre une grande activité législative. Il prend des mesures qui ne sont pas toutes favorables aux intérêts pépinides, loin de là. En 697, il impose à Drogon de rendre les biens qu'il avait pris sur un monastère. Il exige de son maire du palais, Grimoald, de rendre aux moines de la basilique Saint-Denis les bénéfices de la tonlieue, impôt prélevé pour l'étalage des marchandises. En 710, il interdit à Drogon, toujours, de s'emparer des biens de sa femme, qui n'est autre que la fille de Berchère, et héritière de nombreuses terres en Eustrie, et en Alsace. Bien que peu libre de ses mouvements, il s'appuie sur les alliés puissants qui lui restent, comme le Patrice de Provence, Anténor. Patrice, une première fois en 697 et à nouveau en 710. Malgré peut-être les manœuvres des Pépinides pour écarter ce fidèle soutien de la monarchie mérovingienne. Avoir parmi ses alliés le Patrice de Provence, c'est aussi avoir la main sur une bonne partie de la fabrication de la monnaie. Un pouvoir économique non négligeable. Childebert meurt en 711, d'autres disent en 714. Il est enterré à Choisy-au-Bac, à côté de son frère Clovis IV. En 714, Grimoald meurt assassiné par un frison dans l'église Saint-Lambert à Liège. Pépin de Hersalt meurt de vieillesse la même année. Plectrude, la veuve de Pépin de Hersalt, choisie pour succéder aux deux maires du palais, donc Grimoald et Pépin de Hersalt, son petit-fils, fils de Grimoald, Théo de Hald. Charles, demi-frère de Grimoald, fils de Pépin de Hersalt et d'Alpaïde, une concubine, tente de s'emparer de la mairie du palais d'Austrasie. Mais Plectrude enferme son filâtre, comme disent les chroniqueurs, dans une prison à Cologne. En agissant ainsi, elle commet une grave erreur. Elle fragilise considérablement le pouvoir pépinide en mettant un enfant au poste de maire du palais du royaume franc unifié. Elle se prive aussi d'un homme fort, Charles, futur Charles Martel. Et elle donne aux Neustriens et Bourguignons une preuve incontestable de l'imposture des pépinides, celle de nommer comme maire du palais un enfant, montrant ainsi la dérive dynastique d'une fonction qui ne devait échoir qu'à un simple serviteur. Les Neustriens et leurs alliés se révoltent. Merci et à bientôt.